Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, Tim Tremblay était en compétition au cours du week-end. Ça se déroulait au Wisconsin. Et en catégorie Pro Open, le coureur de motoneige natif de Saint-Denis-d'Arc a terminé au sixième rang. Donc, il clôture sa saison. C'est une saison qui pourrait être considérée en dents de scie pour le pilote de Saint-Denis-d'Arc. On va tenter d'ailleurs de le rejoindre au cours des prochaines journées. Ligue junior régionale de hockey, les Sabres de Roberval ont été éliminés hier dans le cadre du match décisif hier à Jonquière. Les Sabres qui ont perdu 5-3, ont été 2 buts pour Nicolas Clément et un filet pour Vincent Blackburn. Ligue Bantam régionale, les Rapides de Boumsesni ont défait les Saguenay de Chicoutimi par la marque de 9-3. Ça se déroulait dimanche à l'aréna du secteur de Boumsesni. Par le fait même, les Rapides ont pris le devant 1-0 dans la série qui les oppose. Maintenant, il y aura une conférence à la Chambre de commerce de Roberval le 4 avril prochain. Et l'invité est nul autre que Pierre Vercheval, donc l'analyste des matchs à RDS qui sera à Roberval. Donc, si ça vous intéresse, il en coûte 30$ pour participer à l'événement. Et pour réservation et inscription, appelez au 275-3504, le 275-3704. Faites à noter que les places sont limitées, donc c'est très important de réserver tôt. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Caroline Delisle, où on parle de la victoire de Bianca Andreescu, et je me suis également entretenu avec Eugène Lapierre, le grand patron de la Coupe Rogers. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.